Cher Robert, mesdames et messieurs, avant que je puisse parler sur mon sujet, je dois faire quelques mots sur la situation politique à Berlin pendant la période qui nous intéresse, c'est-à-dire pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle et pendant le XVIIIe siècle. Voilà, il s'agit de cinq princes qui ont joué le rôle essentiel. Il n'y avait aucun territoire connexe de Brandenbourg-Prusse. D'abord, il y avait des électeurs qui régnaient la région, et ensuite, à partir de 1713, c'était un royaume. Donc, il s'agit des cinq princes. Frédéric Guillaume, le grand électeur qui régnait jusqu'en 88, son fils fut Frédéric III en tant qu'électeur, et à partir de 1701 en tant que roi en Prusse, pas de Prusse. C'est un peu moins, n'est-ce pas? C'est important. Frédéric Guillaume Ier, appelé roi sergent, et ensuite Frédéric II, son fils, appelé roi philosophe, et finalement son neveu Frédéric Guillaume II. Et nous allons parler sur ces cinq princes l'un après l'autre. C'est une vue de Berlin à la fin du XVIIe siècle. À ce temps-là, Berlin avait environ 120 000 habitants. Voilà, notre premier prince, Sa Majesté, l'électeur Frédéric Guillaume avec son épouse Louise Henriette en 1666. C'est l'année de naissance de Leibniz qui avait fondé l'Académie des sciences un peu plus tard. Voilà. Grâce au grand électeur, il y avait un savant berlin vers 1700. À ce temps-là, vers 1700, Berlin avait environ 30 habitants, dont un sixième était une population immigrée française, les Huguenots. Donc, il y avait toujours une tradition française très forte à Berlin jusqu'à maintenant. Donc, il y avait trois lycées à Berlin. À ce temps-là, le lycée protestant du Gris Monastère, fondé déjà en 1574, le lycée de Joachimsthal, établi à Joachimsthal par l'électeur Joachim Frédéric en 1607, mais transféré à Berlin par Frédéric Guillaume en 1650. Et ensuite, l'Académie des Nobles ou Académie française, fondée en 1587. Deux ans après, l'édit de Nantes qui a invité les Huguenots à venir à Berlin. L'inspection supérieure a été donnée à l'immigré, à Huguenot, l'Huguenot Charles Anquillon, et c'était une institution pour les charges militaires et pour la carrière diplomatique. En plus, il y avait trois universités en Brandenbourg et en Prusse. L'université de Francfort-sur-l'Oder, fondée en 1506, Frédéric Guillaume l'a soutenu. L'université de Königsberg, fondée en 1544, Frédéric Guillaume fut le second fondateur de cette université, et lui-même, il a créé l'université d'Usbourg en 1655. La troisième université. En plus, il y avait un cabinet d'art et de rareté mentionné par Robert Halleu pendant sa conférence, établi déjà par Joachim II, mais notre Frédéric Guillaume l'a réorganisé, et le cabinet vit son apogée sous lui et sous Frédéric III. C'était un microcosme, une encyclopédie matérielle de tout ce qu'on peut savoir. C'est vraiment l'origine des musées berlinois jusqu'à maintenant. Et on montrait des œuvres de l'art, des choses naturelles, des antiquités, des curiosités, des instruments scientifiques. Ce cabinet d'art est mentionné par Leibniz dans ses mémoires pour la fondation de l'Académie des sciences à Berlin. Et finalement, il y avait la bibliothèque de l'électeur. Mais c'est important, en 1661, l'électeur, notre Frédéric Guillaume, rendit sa bibliothèque privée publique. Depuis 1701, c'était une bibliothèque royale parce que maintenant on a eu un royaume. Et depuis 1918, c'est la Bibliothèque nationale de Prusse, aujourd'hui Bibliothèque d'État, patrimoine culturel de Prusse. Et cette bibliothèque était pour les ecclésiastiques, les professeurs, les savants, et les fonctionnaires d'un rang supérieur à la cour. Finalement, le 12 avril 1667, l'électeur publia un mémoire concernant la Cité internationale universitaire de Brandebourg pour les sciences et les lettres, appelée Zoophopolis, hein, la cité de la sagesse, pour ainsi dire, hein, une ville savante qui offrit un enseignement théorique et pratique de tout ce que l'esprit humain avait découvert et inventé, savait et pouvait. Mais rien ne s'est passé parce que le Suédois Benedictus Guter a quitté Berlin. Voici notre deuxième prince, c'est son fils Frédéric III, en 1692. Hein, Frédéric III. Voici les buts de cet électeur. Il aspirait une élévation de la culture architecturale et de l'enseignement et une égalité de la valeur avec les autres grandes puissances européennes. En 89, il érigea le Collège français qui existe encore maintenant, n'est-ce pas? Et le directeur devint de nouveau Charles Anquillon. En 94, l'université Halle, c'est la quatrième université en Brandebourg-Prusse, parce que la science politique à Berlin dominait bien entendu la science politique en Brandebourg-Prusse. Donc je dois parler sur la région. Et en 96, il érigea l'Académie de l'art de peindre, de sculpture et de l'architecture à Berlin, aujourd'hui appelée l'Académie des arts. Et c'est le comble de ce développement. En 1700, il fonda la Société du prince électeur de Brandebourg des sciences. C'est le nom correct de l'Académie des sciences de Berlin. Et cela persuadé par Leibniz. Donc Leibniz avait élaboré les statuts selon la devise « tout pour les peuples, mais tout par les princes ». Bien entendu, Leibniz n'a eu aucun pouvoir. Hein. Les quatre caractéristiques d'une telle société sont les suivantes. Le lien entre l'idée de mission et l'idée d'académie, la croyance que le monde soit faisable, le monde social. Le lien possible entre la théorie philosophique et la pratique politique, et finalement la société comme un lieu de la culture intellectuelle et de la culture de la vertu. L'11 juillet 1700, c'est le jour anniversaire de la naissance de l'électeur. L'électeur signa le diplôme de fondation. Et on lit quatre particularités des statuts, élaborées de nouveau par Leibniz, mais selon la volonté de l'électeur. Premièrement, la tendance essentiellement pratique. Deuxièmement, le point de vue national et patriotique. Le point de vue religieux. Et finalement, l'absence d'une classe de philosophie. Et il y a une autre curiosité. La seule source financière était la vente des calendriers. Et aucun roi prussien n'a changé cette situation peu satisfaisante jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ni Frédéric II, le Grand, ni un autre. Considérons plus en détail les quatre caractéristiques. Le bien public. Leibniz écrivit dans son mémoire pour la fondation de cette société. Société et non pas académie. C'est une différence importante. Il ne s'agit pas pour une pareille institution de satisfaire une pure curiosité, ni même l'envie naturelle de savoir. Il ne s'agit point d'inventer des choses qui n'ont nulle influence immédiate dans la pratique. Cette institution doit songer à la science et à l'application utile à la fois. Theoria cum praxis, en latin, en imaginant des objets qui puissent tout ensemble honorer son auguste fondateur et profiter au monde. Qu'elle allie la pratique à la théorie, qu'elle perfectionne à côté des arts et des sciences et par leurs moyens tout ce qui intéresse le pays et le peuple, l'agriculture, l'industrie, le commerce et jusqu'au vivre. Deuxièmement, l'institution était pénétrée de sentiments allemands. Le roi souhaitait que l'on perfectionnât la langue allemande, qu'on étudiât l'histoire d'Allemagne et qu'on cherchât à honorer le nom allemand. Troisièmement, l'aspect religieux, la couleur évangélique. Dans le diplôme de fondation, écrit bien entendu par Leibniz, mais d'après la volonté du roi, on lit « L'expérience atteste que la vraie foi de l'Évangile et les vertus chrétiennes sont surtout avancées au sein de la chrétienté comme au milieu des nations non converties par des personnes qui, accompagnées de la bénédiction divine, joignent à une conduite irréprochable un jugement exercé et des connaissances solides. Voilà pourquoi nous, le roi, voulons que notre société des sciences soit andante à propager sous notre protection la véritable foi et les vertus évangéliques. Elle reste cependant maîtresse de s'associer et d'employer des gens qui appartiennent à d'autres religions. C'est la tolérance religieuse bien connue sous Frédéric II, appelé les grands. Le couronnement de Frédéric III eut lieu le 18 janvier 1701 et cela veut dire que l'Académie de Prusse date de la même époque que la monarchie prussienne. Elle a pour antécédent les institutions fondées ou renouvelées par le grand électeur que nous avons mentionné et discuté. Il n'y a aucune université à ce temps-là. En 1710, le premier volume des Mélanges berlinois parut, publié pour l'accroissement des sciences, des écrits soumis à la Société royale des sciences. Et le premier volume consiste en 61 articles concernant les lettres, la physique, la médecine, les mathématiques, la médecine. Un cinquième provient de Leibniz lui-même. Voici la page de titre de ce premier volume que nous allons que nous venons de mentionner. Et voici, on a une image pleine de symboles, n'est-ce pas, divisée en trois parties. Au milieu de l'image, on voit la déesse tutélaire des arts et des sciences, Minerve, qui sa main gauche tient l'œil de connaissance, sa main droite lève la personnification de l'Académie berlinoise qui a 9 étoiles dans ses cheveux, qui représentent les 9 muses, et qui a un sceptre et un livre. À droite, au-dessus, on a un buste du roi entre-temps, n'est-ce pas, et en arrière, n'est-ce pas, à gauche, le bâtiment de l'observatoire. Et à part cela, il y a beaucoup d'objets qui représentent les différentes disciplines. Par exemple, un récipient avec un alambic et une image symbolique qui montre le soleil et la lune, qui symbolise la chimie mentionnée par Robert il y a quelques minutes, un squelette qui représente l'anatomie, un thermomètre, baromètre qui représente la physique, une roue avec un axe, la mécanique où le dieu du temps, Saturne, soutient hein, sur son, avec son dos les livres de l'histoire et il tient une table avec la fameuse série alternée Leibnizienne pour un quart de pi. Hein. Et ici, on a un microscope qui représente la botanique et ainsi de suite. Ici, on a un grand livre avec quatre capitales, TWSS, Deutscher Wort- und Sprachschatz. Ça veut dire dictionnaire allemand et trésor linguistique. Évidemment, cette image nous rappelle la médaille de l'Académie des sciences à Paris. Voici les deux côtés de cette médaille. Ici, on a la description de cette médaille. De nouveau, hein, on voit la déesse Minerve étant assise sur une chaise, un squelette, un fourneau avec un alambic et une sphère céleste qui représente, bien entendu, les trois disciplines, l'anatomie, l'alchimie, de nouveau l'alchimie et l'astronomie. Dans l'épître d'Edith Coir, adressée au Frédéric Ier, Leibniz écrivit dans ce premier volume des mélanges berlinois au roi, à notre maître et fondateur de loin le plus clément. Les éléments du monde obéissent maintenant aux volontés de l'homme, comme ils obéirent jadis au chant du magicien. Les savants formeront désormais le sacerdoce de la nature et seront admis au sanctuaire même de la sagesse divine pour contempler ses mystères et admirer les beautés, pour se laisser initier au secret des choses qui jusqu'ici n'avaient été qu'admirées. Le vrai patrimoine du genre humain, la science, s'étend et grossit sous nos yeux avec une merveilleuse rapidité. Combien la postérité honorera de ses louanges les souverains qui auront su s'emparer de ce trésor dans l'intérêt de leur peuple et qui auront ainsi prouvé que rien d'humain ne leur était étranger, ni humani alienum, assez. Les nations, hélas, ne prennent d'ordinaire souci que de la guerre et des armes et ne cherchent qu'à se rendre malheureuses les unes les autres. Leibniz, hein, parle. La Prusse, au contraire, jouit d'une paix profonde sous vos auspices et par vos soins, ô très bon roi, rex optime. Puissent les sciences, l'une des plus durables félicités d'un pays, fleurir dans votre royaume à la faveur de ce pays. Il est digne d'un grand monarque d'éterniser sa mémoire en embellissant ses états et en enrichissant l'humanité. La cérémonie de l'inauguration eut lieu le 19 janvier 1711, inauguration de l'Académie. Et cela veut dire le lendemain de l'anniversaire de son couronnement. Consciemment, bien entendu. Il y avait aussi une médaille de cette nouvelle société sur la face. Je vais montrer la médaille en quelques secondes. Le buste du roi avec cette légende, Frédéric, par la grâce de Dieu, roi de Prusse maintenant, au revers, un aigle prenant son vol vers le firmament avec cette inscription, il tend l'aigle aux étoiles, sa famille. Et aujourd'hui, les membres de l'Académie ont un insigne avec l'aigle et la constellation. Et la Société royale des sciences, fondée à Berlin au 44e anniversaire du meilleur prince. Et on voit ici les deux côtés de cette médaille, encore à ce temps-là où Frédéric III a été un électeur. Maintenant, nous devons parler sur son successeur. C'est le château König Wusterhausen, près de Berlin. C'est le lieu résidence préféré de Frédéric Guillaume Ier, appelé roi sergent. Frédéric Ier était l'unique roi de Prusse qui ait repoussé le titre de protecteur de l'Académie. Pourquoi? Parce qu'il méprisait cette Académie. Les arts et les sciences ne lui semblaient qu'inutilité et superfluité. La classe de physique et de médecine sauva les autres classes d'un naufrage inévitable. C'est un problème. Cependant, je voudrais défendre un peu ce roi sergent, parce que ce roi fit une seule guerre de courte durée en 1715 contre les Suédois, tandis que Frédéric II, appelé le Grand, pour des raisons inconnues pour moi, fit trois guerres de 11 années. Voilà. OK. Ce roi sergent méprisait l'Académie. Et il y a beaucoup d'anecdotes qui peuvent illustrer cette attitude. Je vous donne deux, n'est-ce pas? Le roi buvait du vin de champagne, vin mousseux, et il voulait savoir la raison de cette propriété. Il fit demander aux membres de l'Académie, et l'Académie répondit, voilà, elle est forcée de faire des expériences qui exigent un panier de 60 bouteilles. Le roi, se fâchant, cria, qu'ils aillent se promener, je n'ai pas besoin d'eux pour boire de ce vin, et j'aime mieux ignorer toute ma vie pourquoi ils moussent. Et le deuxième exemple, il méprisait sans la dissoudre, n'est-ce pas? Il fit Jacques-Paul Baron de Gondling, président de l'Académie, qui était en même temps conseiller aulique et conseiller joyeux, Hofnarr, pour humilier l'Académie. Son père, Frédéric Ier, mourut le 25 février 1713, mais directement après sa mort, Frédéric Guillaume Ier érigea le théâtre anatomique, Theatrum Anatomicum, dont le directeur devint le médecin personnel, son médecin personnel Gundelsheim, et au mois de juin 1713, le médecin à la cour Christian Maximilian Spener montrait des dissections publiques. Malheureusement, seulement une année, parce qu'il mourut en 1714. En 1717, l'anatomie devint une tâche de l'Académie jusqu'en 1719, et sans grand succès, mais ce théâtre anatomique fut remplacé par le collège médico-chirurgical, sans aucune participation de l'Académie. Voici une vue de ce théâtre anatomique, n'est-ce pas? Dans la première série, on a les professeurs, les directeurs. Dans la deuxième série, les étudiants de la médecine et ainsi de suite. Et on a ici une dissection. Le même roi introduisit l'enseignement obligatoire pour les enfants. Aucun étudiant sans enseignement, bien entendu. Donc, en 1717, il y a eu 320 écoles de village. Il mourut en 40. À ce temps-là, il y avait 1480 écoles de village. Et il érigea les premières chaires aux universités de Halle et de Francfort-sur-l'Oder pour les sciences politiques et l'économie politique. Voilà. C'est Frédéric II, appelé le Grand, ou roi philosophe. On a dit, les sciences et les arts montaient sur le trône avec le solitaire de Rheinsberg. On le trouve, cette citation, dans Bartholomès. Et en fait, Frédéric II admirait la philosophie française. Il a attiré Voltaire, qui a vécu beaucoup d'années à Potsdam. C'est bien connu. Et toutes les autres. Le président devint en français Maupertuis, et ainsi de suite. Et il introduisit deux innovations graves pour l'Académie de Berlin. Premièrement, l'érection d'une classe de philosophie spéculative qui n'a pas existé, et l'usage obligatoire de la langue française. On était obligé de parler et de publier en français à Berlin. Il créa deux nouvelles institutions, le jardin botanique en 1744. Le directeur devint Johannes Gottlieb Gleditsch, et le laboratoire chimique un peu plus tard. En 1946, il publia le règlement pour la nouvelle académie, appelée Académie royale des sciences et des lettres. C'est le nom à Berlin. Ce n'est pas l'académie ici. Donc, c'est le nom à Berlin. Voilà. Il dit, le roi souhaite que les académiciens s'appliquent à la recherche de la vérité et rapportent toute leur vue au véritable bien des lettres et de la société. Il pense que les gens de lettres doivent être des citoyens utiles, sous les pas desquels naissent ou du moins peuvent naître les découvertes les plus intéressantes pour le bien public. Et un peu plus tard, il publia, Frédéric II ou le Grand, un discours sur l'utilité des sciences et des arts dans un État. C'est un discours programmatique où il dit, les arts et les sciences se tiennent par les mains. Nous les devons tout. Ce sont les bienfaiteurs du genre humain. Il s'est trouvé de faux politiques resserrés dans leur petite idée, c'est son père d'ailleurs, qui, sans approfondir la matière, ont cru qu'il était plus facile de gouverner un peuple ignorant et stupide qu'une nation éclairée. Dans ce siècle philosophe où nous vivons, on n'a pas seulement voulu dénigrer les hautes sciences, il s'est trouvé des personnes d'assez mauvaise humeur pour se déclarer ennemis des belles-lettres. L'épilogue. Après son mort, Frédéric Guillaume II, son neveu, devint roi en Brandebourg-Prusse. Son ministre, Ewald Frédéric Herzberg, introduisit deux innovations. Premièrement, un retour au patriotisme. C'est une situation. La langue française a cessé d'être l'idiome exclusif de l'Académie. Maintenant, on a eu deux langues d'une parfaite égalité. Et deuxièmement, la direction plus marquée vers l'utile, vers l'application industrielle et sociale. L'Université de Berlin fut créée seulement au début du XIXe siècle. Je vous remercie.